Sur la route, le cannabis est la cause d'environ un tué tous les 3 jours, réponse A, un tué tous les 2 jours, réponse B, un tué chaque jour, réponse C.